était plus de 10 heures ce matin lorsque le carrosse impérial est arrivé au palais du couronnement, accueilli par les militants du Parti unique centrafricain, le Maisan. C'est d'abord le petit prince Jean-Bedel Bokassa Junior, 2 ans et demi, qui pénètre dans le palais, habillé de blanc, brodé d'or, baudrier rouge, casquette. Ensuite, l'impératrice Catherine, robe longue, pailletée d'or et de rubis. Enfin, l'empereur Bokassa Ier, en aube blanche, une aube constellée de perles et d'or. Sa Majesté Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Alors le couronnement proprement dit commence, le petit prince s'assied et se lève lorsque on lui fait signe. Les officiers supérieurs apportent l'épée, 9 lieutenants présentent le manteau de velours rouge brodé d'or et bordé d'hermine, puis la couronne rouge et or sertie de 100 diamants surmontée d'une énorme pierre de plus de 100 carats. L'empereur se lève ainsi que l'impératrice Catherine et le petit prince, il prend la couronne, la pose sur sa tête et devient ainsi le premier empereur centrafricain, le seul empereur de l'Afrique d'aujourd'hui depuis le renversement d'Haïlé Sélassié en 1974. Les officiers apportent le sceptre, immense lui aussi, toujours serti de pierres précieuses, et c'est le serment sur la Constitution. Nous, Bokassa Ier, empereur de Centrafrique, par la volonté du peuple centrafricain, uni au sein du Parti politique national, le Mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire, jurons et promettons solennellement devant le peuple, devant l'humanité tout entière et devant l'histoire, de tout mettre en œuvre pour veiller scrupuleusement à la saine application de la Constitution de l'Empire centrafricain, ainsi que le respect des accords et traités, et pour servir la nation centrafricaine conformément aux idéaux sacrés du Parti politique national. L'envers du décor se fait donc de plus en plus visible. Le complot permanent s'impose comme moyen de gouverner avec tous ses excès policiers, avec son cortège de vies brisées. Et tout cela, toutes ces dérives, au nom de quel argument? Écoutons en décembre 1983 le président guinéen Sékou Touré s'exprimer au 12e congrès du Parti démocratique guinéen au Palais du Peuple à Conakry.